Lee Yong-ho, ministre coréen des Affaires étrangères, a envoyé le 21 courant un message de félicitations à Didier Leenders, vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères, à l'occasion de la fête nationale du Royaume de Belgique. Le destinataire a exprimé l'attente que les échanges et coopérations se dérouleront au niveau requis entre les ministères des Affaires étrangères afin de contribuer à la compréhension mutuelle et de développer les rapports bilatéraux avant de lui souhaiter succès dans son travail.